ne veux-tu pas me dire? Pourquoi ne veux-tu pas m'avouer ce que dans ton cœur je déchire et qui pourrait te faire pleurer? Oh, si tu étais raisonnable, tu pourrais bien me demander de défendre ce qui m'accable et qui m'empêche de t'aimer. Chérie, si j'ai pu te déplaire, je suis prêt à le réparer. Je t'en prie, ne sois pas sévère, reviens vite, je vais t'expliquer. Jamais je n'ai cessé d'attendre. Je sais bien que tu reviendras. Dans la rue tu m'as fait comprendre que tu croyais encore à moi. Chérie, veux-tu me dire je t'aime?